Coucou Yggdrasil, c'est Grushkov. Cette fois-ci, je l'ai fait parce que cette fois-ci, j'ai bien vérifié que j'avais bien appuyé sur le bouton enregistrer avant. Donc, je te fais le commandant pour les aventuriers de Rouletabarbe, épisode 3, V1.2.1.ODT. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour messieurs, comment ça va? Je vais bien. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bon, tu me diras s'il faut que je refasse, de toute façon c'est qu'une seule réplique, alors je le referai. Allez, bisous. Je vais faire la chaussette parlante.